connaissent pour comprendre que c'est pas rose. Il suffit d'une larme et le vase en verre explose. Il suffit d'un doute pour comprendre que c'est pas le bon. Il suffit d'un mot pour te faire comprendre plein de choses. Il suffit d'un geste pour comprendre que c'est pas rose. Il suffit d'un mot, juste un mot. T'es à moi, t'es à moi beaucoup de la vie. T'es à moi, t'es à moi toute la vie. T'es à moi, t'es à moi beaucoup de la vie. T'es à moi, t'es à moi toute la vie. T'es à moi. Facile à dire, pas facile à vivre. Tu peux claquer mon beat, mais avec parcimonie. Je vais pas te parler avec des emojis ou faire le mytho en faisant le mec émotif. Tu veux que je change, que je sois plus le même, une vie de rêve, mais tu retiens que les bêtises. J'ai roulé ma bosse pour que tu gardes le sourire. Il s'agit de rester lucide, toujours avoir un mobile. Qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi tu me cernes? Tu m'as déjà cerné, je suis le même gars qui gagne. Fais pas la scène, prends tes affaires, non. Toi, moi, on sait que dans le fond, t'es à moi. Il suffit d'un mot pour te faire comprendre plein de choses. Il suffit d'un geste pour comprendre que c'est pas rose. Il suffit d'une larme et le vase en verre explose. Il suffit d'un doute pour comprendre que c'est pas le bon. Il suffit d'un mot pour te faire comprendre plein de choses. Il suffit d'un geste pour comprendre que c'est pas rose. Il suffit d'un mot, juste un mot. T'es à moi, t'es à moi beaucoup de la vie. T'es à moi, t'es à moi beaucoup de la vie. T'es à moi, t'es à moi beaucoup de la vie. T'es à moi, t'es à moi beaucoup de la vie. J'ai déjà vu cette scène là quelque part. Tu vas encore me dire qu'il te faut du temps. Je l'aurais tourné mais t'as déchiré la page. S'il te plaît dis-moi que si je saigne, il faut de nous tirer vers l'avant. Dis-moi que tu stopperas au moins l'hémorragie en vrai. Et réponds-moi que tu m'aimes aussi en vrai. Oh, oh, oh. On pourra dire qu'on a essayé. Qu'entre nous ça a déjà été le fire. Aujourd'hui je comprends qu'il me suffisait que d'un mot, d'un mot. Il suffit d'un mot pour te faire comprendre plein de choses. Il suffit d'un geste pour comprendre que c'est...